Superfail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Pourquoi les pères travaillent-ils trop? Voilà un déséquilibre entre hommes et femmes qui est clairement établi sociologiquement, mais au fait, pourquoi ce déséquilibre perdure-t-il? Voyage à l'intérieur de la psyché des hommes, c'est le Superfail de la semaine. Nous avons toujours une difficulté, c'est de faire en sorte que les hommes investissent les tâches parentales, les tâches ménagères, puisque l'égalité, c'est dans les deux sens. Si nous souhaitons que les femmes investissent la sphère professionnelle, la sphère publique, il faut aussi que les hommes investissent la sphère parentale. Et malheureusement, et ça l'INSEE nous le montre très bien, nous pensions qu'avec l'effet générationnel, les nouveaux pères seraient davantage investis, mais si nous quantifions le temps occupé par les hommes pour s'occuper des tâches ménagères, il n'y a quasiment pas de changement en l'espace de 10 ou 30 ans. Ça signifie qu'on est toujours dans les clichés, à savoir maman fait la cuisine, le repassage, le ménage et papa bricole de temps en temps? Alors ça n'est pas un cliché, c'est une réalité. Cette réalité montre d'ailleurs qu'il y a un écart d'1h45 entre le temps d'investissement des femmes chaque jour et le temps d'investissement des hommes. On vient d'entendre François Fatou, membre du conseil d'administration du laboratoire d'égalité. Bonjour Sylviane Giampino. Bonjour Guillaume. Vous êtes psychologue pour enfants et psychanalyste et vous avez publié « Pourquoi les hommes travaillent-ils trop ?» aux éditions Albin Michel. Pourquoi les hommes travaillent-ils trop? Pourquoi les pères travaillent-ils trop? Ou tant d'ailleurs, Sylviane Giampino? Eh bien, je crois que... En fait, je m'intéresse plus particulièrement aux pères, puisque ma question, c'est celle de l'équilibre et du développement des enfants. Et on est dans un moment où les hommes sont au milieu du chemin. Ils se sont considérablement transformés, et notamment leur relation avec leurs enfants, une plus grande proximité affective avec des enfants de plus en plus jeunes, et un vrai désir de paternité qui est expliqué. Et exprimé. Et pourtant, comme vous venez de l'entendre, les chiffres sont têtus qui montrent que on n'arrive pas à rééquilibrer le partage des fonctions parentales, d'éducation, de soins au quotidien des enfants, ce qui creuse ou maintient le hiatus d'inégalité entre les hommes et les femmes dans le travail et dans l'implication sociale et politique. Et à partir de là, comment expliquer qu'il y ait une telle différence? Alors bon, c'est clairement établi sociologiquement, je l'ai dit, mais il n'est peut-être pas inutile de le rappeler, Sylviane Giampino, lorsque les hommes deviennent pères, eh bien, ils s'investissent plus encore dans leur travail. Oui, c'est très curieux de voir qu'à chaque nouvelle naissance, les femmes ont tendance à réduire quelque chose de l'investissement professionnel et les hommes augmentent leur temps de travail et même accèdent à des promotions professionnelles. Et c'est comme si il y avait encore des marquages très traditionnels de réflexes où les hommes prennent conscience d'une responsabilité augmentant avec le nombre d'enfants et donc garantir la sécurité de la famille, les rentrées financières, la consolidation de l'emploi. Et les femmes, il y a un balancier qui fait qu'elles sont coincées par les exigences incompressibles du soin de l'éducation des enfants et de la tenue de la maison. Or, c'est pas tant un problème idéologique seulement, c'est aussi que nous constatons en France une montée de la pauvreté, et notamment un grand nombre d'enfants se retrouvent à vivre en situation de pauvreté, et l'on sait que cette pauvreté est creusée en partie parce que les familles monoactives, donc quand l'un des deux parents travaille, sont plus fragiles sur le plan économique et en cas de rupture de l'emploi ou en cas de rupture conjugale, ça bascule plus facilement. Et précisément, pourquoi une telle permanence? Parce que on a la sensation que les choses évoluent et puis finalement, à la fois sur le plan sociologique et sur le plan psychologique, semble-t-il, Sylviane Giampino, elle n'évolue pas tellement. Comment l'expliquez-vous? En fait, il y a plusieurs réalités et le livre essaie de justement travailler toutes les dimensions à la fois, hein, c'est-à-dire que les dimensions politiques, sociologiques et psychologiques. Sur la réalité psychologique, il est clair que la virilité est encore clippée pour les hommes sur la réussite ou l'investissement professionnel, alors que la féminité est de moins en moins clippée pour les femmes sur la tenue de la maison et les enfants. Et il y a un décalage qui se creuse entre les deux. Et puis, il y a une sorte de contraste aussi, de contradiction vraiment chez les hommes qui, par exemple, sont de plus en plus les premiers dans un couple à désirer mettre au monde un nouvel enfant. Et donc, ce désir de paternité est comme une promesse que ça continuera dans la présence, le soin, le partage. Et finalement, les femmes, aujourd'hui, sont déçues de ce partage du désir. Elles attendent un partage des réalités. Et évidemment, le quotidien est de plus en plus un ciel chargé d'orages parce que les rapports de couple sont une caisse de résonance des rancœurs sociétales, mais aussi du fait que les femmes vivent comme une injustice cette inégalité dans la vie familiale et les hommes vivent comme une injustice ces constats sociologiques. Car ils ne comprennent pas pourquoi on leur en demande encore plus, alors qu'ils ont tant progressé par rapport à leur grand-père et ascendant. Et alors, justement, puisque donc en fait c'est un jeu perdant-perdant, d'après ce que vous racontez, Sylviane Jeanpineau, de part et d'autre, du côté des hommes et des femmes, il y a un mécontentement du fait du partage inéquitable des rôles. Oui, et les hommes butent sur des résistances inconscientes et des résistances sociologiques, des résistances de normes sociales, de comportements qui sont encore très stéréotypés. Du côté des résistances inconscientes, il y a le fait que les femmes et les hommes ont depuis plusieurs générations partagé davantage le désir d'enfant, la grossesse, la naissance, les premiers temps du bébé. Mmh. Et donc les hommes sont de plus en plus sensibles à ces dimensions-là d'affect, d'émotion, comme on dit aujourd'hui. Et en même temps, ils sont tirés par le monde du travail, la compétition et évidemment aujourd'hui ce qui s'aggrave, à savoir des systèmes de management peu bienveillants. Hein. Et donc ils subissent des pressions fortes externes qui les mettent en déséquilibre. Alors ils se raidissent. Et puis après il y a bien sûr les fondamentaux qui font que les hommes sont assez bouleversés par l'enfantement de leurs compagnes, de leurs épouses. De plus en plus, je viens de le dire, ils sont près des moments de l'enfantement et les femmes ont beaucoup contribué à faire que les hommes se rapprochent, y compris des nouveau-nés, des bébés. Les services, par exemple, de néonates et de maternité font entrer les pères qui font, par exemple, du pot à pot avec les enfants. Et ça, c'est un grand progrès humain, social. Mais du coup, les enfants aussi attendent beaucoup de leurs pères. Et on ne peut plus se contenter de fonctionner sur un modèle de père symbolique, père fouettard, père sévère. Voilà, et ça c'est une autre contradiction dans laquelle sont piégés les hommes. C'est que les années 90 de récession économique ont enclenché la peur du chômage, quels que soient les niveaux de qualification, mais aussi les années 2000, avec la montée du sécuritaire, ont relancé l'idée que le père devait reprendre une place de figure d'autorité pour rappelez-vous, contrôler les jeunes sauvages des banlieues pour pousser les enfants vers la réussite scolaire. C'est le père cadran, le père autoritaire, le père garant du réel. Et en fait, c'est totalement absurde puisque les hommes eux-mêmes ne se sentent plus du tout, ne se reconnaissent plus dans ces stéréotypes-là. Mmh. Et alors, précisément, quel effet cela a sur les enfants, le fait qu'il y ait un déséquilibre de genre entre les hommes et les femmes dans leur manière d'investir la sphère privée et également la sphère sociale? Qu'est-ce que ça provoque, Sylviane Jeanpinault? Eh bien, je crois qu'il faut reprendre les solutions que nous avons tentées depuis quelques décennies pour faire avancer l'égalité entre les pères et les mères, entre les hommes et les femmes. Et il me semble que chacune amène à des impasses. La guerre des sexes ne satisfait plus. La tentation de défaire le genre qui s'active aujourd'hui ne répond pas aux besoins des enfants, mais aussi des hommes et des femmes, de pouvoir se construire une identité genrée au-delà des stéréotypes et des caricatures, et en même temps de choisir son mode de vie et de sexualité. On a aussi tenté de sortir de la naturalisation du genre par le corps et de dire que tout était sociologique. Et finalement, les hommes et les femmes ne s'y retrouvent pas non plus parce qu'ils sont attachés à ces repères de différence. Et puis, on se retrouve à revenir à la nature par les neurosciences qui sont mal diffusées et qui laisseraient entendre des différences de comportement, de compétences liées au cerveau des hommes et des femmes qui seraient différents. Et regarder comme, finalement, les gens continuent à se jeter sur des publications comme Mars et Vénus, comme cerveau masculin, cerveau féminin. Et mon hypothèse est que, finalement, toutes ces solutions ont en commun d'omettre le corps, le substrat corporel, et en même temps de vouloir brouiller les genres pour lutter contre les stéréotypes, les caricatures, et que ça ne convient ni aux enfants ni aux adultes. Mais alors, c'est étonnant parce que finalement, vous décrivez un monde, Sylviane Jeanpinault, dans lequel tout le monde perd et tout le monde persiste à faire ce jeu perdant-perdant. Mais oui, c'est très troublant de voir qu'il y a des choses qui n'avancent pas et que pourtant on persiste toujours dans la même direction. Et moi, je pense qu'on peut prendre les choses autrement. Comment ? Il me semble que c'est pas très compliqué. La distinction entre les sexes est en fait un prototype de ce qu'est un humain. Accepter de n'être qu'un petit garçon, une petite fille, de n'être qu'un homme ou une femme, et ensuite bâtir sa vie, ses relations, sa manière d'être en couple ou en famille, le type de sexualité librement, ça n'oblige pas à brouiller le genre. Et cette acceptation, c'est une acceptation de la limite. Or, un être humain, c'est un être qui doit accepter qu'il n'est pas tout, qu'il ne peut pas tout. Cette distinction des genres est un opérateur de structure humaine, notamment pour les enfants dans leur développement, comme d'autres opérateurs de distinction, par exemple la différence entre les vivants et les morts, la différence entre l'humain, l'animal, le végétal, et la différence des générations. En conclusion, est-ce que l'on pourrait, Sylviane Jeanpinault, voir cette question des inégalités du point de vue de l'enfant? C'est exactement l'objet de ce livre. Je considère que l'enfant est un ralentisseur humanisant dans une société d'accélération et d'excellence parce qu'il ne marche pas comme les grands, parce qu'il a des vulnérabilités et qu'il nous rapproche de ce que doit être un humain finalement, à savoir quelqu'un qui accepte de ne pas être complet et tout puissant. Il me semble qu'il faut pouvoir considérer que la question d'un bon équilibre de développement des enfants est une question qui concerne les parents, mais aussi le monde du travail, mais aussi les politiques sociales et familiales. Alors, les politiques sociales et familiales s'en occupent, et en plus, elles sont toutes égalitaires. Et donc, elles devraient pouvoir servir pour les pères comme pour les mères. Par exemple, les politiques de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Or, dans la réalité, ce sont les femmes qui s'en emparent et pas les hommes. Les politiques du travail, elles, continuent à être étanches par rapport aux enjeux de parentalité. Or, on ne peut plus considérer que quelqu'un qui travaille n'est pas aussi père ou mère tenu à des impératifs incompressibles, car le développement, les besoins des enfants sont des réalités incompressibles, incontournables. Et du coup, il faut que les entreprises prennent en considération dans leur responsabilité sociétale un respect des impératifs de parentalité. Ça doit pouvoir être aménagé et pensé. Et enfin, il y a à transformer les mentalités, les pratiques des lieux qui s'occupent des enfants, que ce soit les modes d'accueil, que ce soit l'école, que ce soit le périscolaire. Il faut que ces professionnels de l'enfance intègrent également les impératifs professionnels des parents et qu'on réaménage. Et finalement, en synthèse, la question centrale, c'est la question du temps. Les enfants imposent des temporalités qui sont radicalement contradictoires avec l'accélération sociale. On ne peut comprimer les étapes de développement d'un jeune enfant. Et c'est dans cet étau de réalité incompressible des besoins des enfants et de réalité professionnelle qui ne s'assouplit pas, que le face-à-face père-mère dans la conjugalité et dans la famille est tendu, et c'est dommage. Merci beaucoup, Sylviane Jean-Pinault. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» C'est publié aux éditions Albin Michel. Superfell, c'est terminé. N'hésitez pas à me communiquer vos idées mauvaises, évidemment, vos critiques, vos suggestions sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com, guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, saccagé par Ludovic Auger à la technique et ruiné par Alexandra Longuet à la réalisation. Superfell.